Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine? N'avons-nous pas déposé pour toi ton fardeau, qui pesait si lourd sur ton dos? N'avons-nous pas élevé ton nom? Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière et recherche ton Seigneur avec empressement.